Des deux lettres de ma femme copiées par une main banale, reçues seulement le 28 mars, j'extrais le passage suivant. Paris, 1er janvier 1897. Aujourd'hui, plus particulièrement encore, j'ai besoin de venir auprès de toi, de me rapprocher, de m'entretenir de nos chagrins comme aussi de nos espérances. Cette journée plus triste, par cela même qu'elle me rappelle d'excellents souvenirs bien lointains déjà, je voudrais la passer tout entière à causer avec toi. Elle me semblerait moins longue, moins amère. Je ne saurais exprimer à nouveau des vœux répétés si souvent et depuis si longtemps. J'appelle de toutes mes forces le moment si tardif où nous pourrons enfin vivre en paix, où je pourrais te rendre un nom honoré, où je pourrais te serrer dans mes bras. Espérons que cette nouvelle année nous apportera la réalisation de nos vœux. Dans l'attente continuelle dans laquelle je vis, les lettres seules peuvent m'apporter un peu de détente. C'est quelque chose de toi, c'est une petite parcelle de ta pensée qui vient me retrouver, me consoler, pendant un long mois. Lucie. Je n'avais pu me rendre compte, par les quelques lettres copiées que j'avais reçues, des événements qui se passaient vers cette époque en France. Je les rappelle sommairement. L'article de l'Éclair du 15 septembre 1896, révélant la communication au juge seul dans la salle des libérations d'une pièce secrète. La courageuse initiative de Bernard Lazare, publiant en novembre 1896 sa brochure « Une erreur judiciaire ». La publication par le matin du 10 novembre 1896 du fac-similé du Bordereau. L'interpellation Castelin du 18 novembre à la Chambre des députés. Je n'appris ces événements qu'à mon retour en 1899. Ni ma femme, ni personne en dehors du ministère de la guerre ne connaissaient alors la découverte du véritable traître par le lieutenant-colonel Picard, l'héroïque conduite de cet admirable officier et les criminelles manœuvres qui l'empêchèrent d'aboutir dans l'œuvre de vérité et de justice. Puis les lettres originales reprennent. En avril, je reçus une seule lettre de ma femme, celle du 20 février dont je donne un extrait. J'appris par cette lettre que mes lettres étaient également transmises en copie. Paris, 20 février 1897. J'ai eu la joie de recevoir une bonne et nouvelle lettre de toi. J'en suis encore toute heureuse, bien qu'il ne m'ait été communiqué qu'une copie. C'était toujours une grande satisfaction pour moi que de voir ton écriture. Il me semblait que je tenais ainsi une parcelle de toi. Une copie supprime tout le caractère intime de la lettre et vous ôte l'impression que peut seul donner le travail machinal et tout personnel qui accompagne la pensée. C'est cette impression qui me manque lorsque la lettre est copiée par une main indifférente. Et ce m'est une des choses les plus pénibles parmi tous les chagrins secondaires que j'ai eus à subir, Lucie. En mai, j'écrivis à ma femme. Île du Salut, 4 mai 1897. Je viens de recevoir ton courrier de mars, celui de la famille, et c'est toujours avec la même émotion poignante, avec la même douleur que je te lis, que je vous lis tous, tant nos cœurs sont blessés, déchirés par tant de souffrances. Je t'ai déjà écrit il y a quelques jours en attendant tes chères lettres, et je te disais que je ne voulais ni chercher ni comprendre, ni savoir pourquoi l'on me faisait succomber ainsi sous tous les supplices. Mais si dans la force de ma conscience, dans le sentiment de mon devoir, j'ai pu m'élever ainsi au-dessus de tout, étouffer toujours et encore mon cœur, éteindre toutes les révoltes de mon être, il ne s'ensuit pas que mon cœur n'ait profondément souffert, que tout, hélas, ne soit en lambeaux. Mais aussi je t'ai dit qu'il n'entrait jamais un moment de découragement dans mon âme, qu'il n'en doit pas plus entrer dans la tienne, dans les vôtres à tous. Oui, il est atroce de souffrir ainsi. Oui, tout cela est épouvantable et déroute toutes les croyances en ce qui fait la vie noble et belle. Mais aujourd'hui, il ne saurait y avoir d'autre consolation pour les uns comme pour les autres que la découverte de la vérité et la pleine lumière. Quelle que soit donc ta douleur, quelles que puissent être vos souffrances à tous, dis-toi qu'il y a un devoir sacré à remplir, que rien ne saurait ébranler. Ce devoir est de rétablir un nom dans toute son intégrité aux yeux de la France entière. Maintenant, te dire tout ce que mon cœur contient pour toi, pour nos enfants, pour vous tous, c'est inutile, n'est-ce pas ? Dans le bonheur, on ne s'aperçoit même pas de toute la profondeur, de toute la puissance de tendresse qui réside au fond du cœur pour ceux que l'on aime. Il faut le malheur, le sentiment des souffrances qu'endurent ceux pour qui l'on donnerait jusqu'à la dernière goutte de sang, pour en comprendre la force, pour en saisir la puissance. Si tu savais combien j'ai dû appeler à mon aide dans les moments de détresse ta pensée, celle des enfants, pour me forcer à vivre encore, pour accepter ce que je n'aurais jamais accepté sans le sentiment du devoir. Et cela me ramène toujours à cela, ma chérie. Fais ton devoir, héroïquement, invinciblement comme une âme humaine très haute et très fière, qui est mère et qui veut que le nom qu'elle porte, que portent ses enfants, soit lavé de cette horrible souillure. Donc, à toi, comme à tous, toujours et encore, courage et courage. Alfred. Quelques extraits des lettres de ma femme que je reçus à cette date. Paris, 5 mars 1897. Je voulais attendre pour venir causer avec toi à l'arrivée de ton courrier, mais je ne puis tenir d'impatience. Je suis incapable de m'imposer un supplice aussi long. J'ai besoin de me détendre, de venir près de toi, de réchauffer mon cœur auprès du tien et de ne pas me concentrer, sans un instant de repos, dans la pensée affolante de cette longue, interminable séparation. Quand je t'écris, au moins j'ai quelques instants d'illusion. La plume, l'imagination, l'attention de la volonté me transportent près de toi, là, tout près, comme je voudrais être, te soutenant, te consolant, te rassurant sur l'avenir, et t'apportant tout l'espoir que mon cœur contient, renfermé, et que je voudrais tant te communiquer. C'est un moment bien fugitif, mais ce bonheur d'être auprès de toi, je le possède ainsi quelques instants et je me sens revivre. Lucie. Paris, 16 mars 1897. J'étais venue causer avec toi il y a quelques jours. J'étais alors dans l'angoisse de l'attente de nouvelles. Je les ai reçues, ces chères lettres si attendues, si ardemment désirées. Depuis, je me pénètre de tes paroles, je ne me lasse pas de te relire. Ce sont mes seuls bons instants, ceux que je vis un peu plus près de toi. Comme le mois dernier, je n'ai pas eu la joie de voir ton écriture, c'est une copie qui m'a été transmise. Et tu peux t'imaginer ce que mon cœur saigne d'être privé de cette seule consolation qui, jusqu'à cet été, ne m'avait pas été refusée. Quel chemin d'amertume et de douleur nous avons à traverser. Ce sont de petites choses qu'on devrait passer sous silence si on les compare à la grandeur de notre tâche. Mais pour des natures sensibles, toutes ces blessures n'en sont pas moins cuisantes. Puisqu'il le faut, ne nous arrêtons pas à cela. Et puisque nous sommes malheureusement appelés à remplir un devoir sacré par respect pour notre nous, pour celui que portent nos enfants, élevons-nous à la hauteur de notre mission et ne nous abaissons pas à envisager toutes ces misères. Si nous sommes anéantis par le chagrin, ayons au moins la satisfaction du devoir accompli. Raidissons-nous dans la tranquillité de notre conscience et gardons toute notre énergie, toute notre force pour mener à bien notre réhabilitation. Lucie. En juin 1897, eut lieu une alerte qui eût pu avoir les suites les plus tragiques. Les consignes disaient qu'à la moindre démonstration de ma part ou de celle de l'extérieur, pour une tentative d'évasion, je courais risque même de la vie. Le surveillant de garde devait, même par les moyens les plus décisifs, prévenir l'enlèvement ou l'évasion. On comprend donc combien étaient dangereuses, avec de pareilles consignes, les alertes causées dans le service du personnel préposé à ma garde. Ces consignes étaient d'ailleurs odieuses, car je ne pouvais être rendu responsable d'une tentative venant de l'extérieur, si elle se fût produite, à laquelle j'eusse été totalement étranger. Le 6 juin, vers 9 heures du soir, une fusée fut lancée de l'île Royale. On prétendit qu'une goélette avait été aperçue dans le golfe formé par l'île Saint-Joseph et l'île du Diable. Le commandant du pénitencier donna l'ordre de tirer dessus à blanc et de prendre les postes de combat. Lui-même vint renforcer, avec un personnel supplémentaire, le détachement de l'île du Diable. J'étais couché et enfermé dans ma case avec le surveillant de garde, comme d'habitude, chaque nuit. Je fus réveillé en sursaut par les coups de canon, suivi de coups de fusil, et je vis le surveillant de garde, les armes prêtes, me regarder fixement. Je demandai qu'y a-t-il. Le surveillant de garde ne me répondit pas. Mais comme je ne me préoccupais pas des incidents qui se passaient autour de moi, la pensée tendue vers un seul but, mon honneur, je m'étendis de nouveau sur mon lit. Heureusement, peut-être. Le surveillant de garde avait des consignes rigoureuses, et l'on peut se demander s'il n'eût pas tiré sur moi si, surpris par ces bruits insolites, je m'étais jeté à bas du lit. Le 10 août 1897, j'écrivais à ma femme. Je viens de recevoir à l'instant tes trois lettres du mois de juin, toutes celles de la famille, et c'est sous l'impression toujours aussi vive, aussi poignante, qu'évoque en moi tant de doux souvenirs, tant d'aussi épouvantables souffrances que je veux y répondre. Je te dirai encore une fois d'abord toute ma profonde affection, toute mon immense tendresse, toute mon admiration pour ton noble caractère. Je t'ouvrirai aussi toute mon âme, et je te dirai ton devoir, ton droit, ce droit que tu ne dois abandonner que devant la mort. Et ce droit, ce devoir imprescriptible, aussi bien pour mon pays que pour toi, que pour vous tous, c'est de vouloir la lumière pleine et entière sur cet horrible drame. C'est de vouloir, sans faiblesse, comme sans jactance, mais avec une énergie indomptable, que notre nom, le nom que portent nos chers enfants, soit lavé de cette horrible souillure. Et ce but, tu vois, vous devez l'atteindre en bons et vaillants Français qui souffrent le martyre, mais qui, ni les uns ni les autres, quels qu'aient été les outrages, les amertumes, n'ont jamais oublié un seul instant leur devoir envers la patrie. Et le jour où la lumière sera faite, où toute la vérité sera découverte, il faut qu'elle le soit. Ni le temps, ni la patience, ni la volonté ne doivent compter devant un but pareil. Eh bien, si je ne suis plus là, il t'appartiendra de laver ma mémoire de ce nouvel outrage, aussi injuste que rien n'a jamais justifié. Et, je le répète, quelles qu'aient été mes souffrances, si atroces qu'aient été les tortures qui m'ont été infligées, tortures inoubliables et que les passions qui égarent parfois les hommes peuvent seules excuser, je n'ai jamais oublié qu'au-dessus des hommes, qu'au-dessus de leurs passions, qu'au-dessus de leurs égarements, il y a la patrie. C'est alors à elle qu'il appartiendra d'être mon juge suprême. Être un honnête homme ne consiste pas seulement à ne pas être capable de voler 100 sous dans la poche de son voisin. Être un honnête homme, dis-je, c'est pouvoir toujours se mirer dans ce miroir qui n'oublie pas, qui voit tout, qui connaît tout, pouvoir se mirer en un mot dans sa conscience, avec la certitude d'avoir toujours et partout fait son devoir. Cette certitude, je l'ai. Donc, chère et bonne Lucie, fais ton devoir courageusement, impitoyablement, en bonne et vaillante Française qui souffre le martyre, mais qui veut que le nom qu'elle porte, que portent ses enfants, soit lavé de cette épouvantable souillure. Il faut que la lumière soit faite, qu'elle soit éclatante. Le temps ne fait plus rien à l'affaire. D'ailleurs, je sais trop bien que les sentiments qui m'animent vous animent tous, nous sont communs à tous, à ta chère famille comme à la mienne. Te parler des enfants, je ne le puis. D'ailleurs, je te connais trop bien pour douter un seul instant de la manière dont tu les élèves. Ne les quitte jamais, sois toujours avec eux de cœur et d'âme. Écoute-les toujours, quelque importune que puisse être leur question. Comme je te l'ai dit souvent, élever ses enfants ne consiste pas seulement à leur assurer la vie matérielle et même intellectuelle, mais à leur assurer aussi l'appui qu'ils doivent trouver auprès de leurs parents, la confiance que ceux-ci doivent leur inspirer, la certitude qu'ils doivent toujours avoir de savoir où épancher leur cœur, où trouver l'oubli de leur peine, de leur déboire, si petits, si naïfs qu'ils paraissent parfois. Et dans ces dernières lignes, je voudrais encore mettre toute ma profonde affection pour toi, pour nos chers enfants, pour tes chers parents, pour vous tous enfin, tous ceux que j'aime du plus profond de mon cœur, pour tous nos amis dont je devine, dont je connais le dévouement inaltérable. Te dire et te redire encore courage et courage, que rien ne doit ébranler ta volonté, qu'au-dessus de ma vie plane le souci suprême, celui de l'honneur de mon nom, du nom que tu portes, que portent nos enfants, t'embraser du feu ardent qui anime mon âme, feu ardent qui ne s'éteindra qu'avec ma vie. Alfred. Depuis la construction des palissades autour de ma case, celle-ci était devenue complètement inhabitable, c'était la mort. À partir de ce moment, il n'y eut plus ni air, ni lumière. La chaleur y était torride, étouffante, pendant la saison sèche. Pendant la période des pluies, le logement était très humide, dans ce pays où l'humidité est un des plus grands fléaux de l'Européen. J'étais totalement épuisée, non pas seulement par le manque d'exercice, mais par l'influence pernicieuse du climat. La construction d'une nouvelle case fut décidée sur le rapport du médecin. Pendant le mois d'août 1897, la palissade du promenoir fut démolie pour être affectée à la palissade de la nouvelle case. Je fus de nouveau enfermée durant cette période. Le 25 août 1897, je fus transportée dans la nouvelle case qui avait été construite sur le mamelon s'étendant entre le quai et l'ancien campement des lépreux. Cette case était divisée en deux par une solide grille en fer qui s'étendait sur toute la largeur. J'étais d'un côté de cette grille, le surveillant de garde de l'autre côté, de telle sorte qu'il ne pouvait me perdre de vue un seul instant de jour comme de nuit. Des fenêtres grillées que je ne pouvais atteindre laissaient passer la lumière et un peu d'air. Plus tard, au barreau de fer, fut ajouté un grillage en mailles serrées de fils de fer, interceptant encore davantage l'air. Puis, pour m'empêcher absolument l'approche de la fenêtre, ce qui ne me permit même plus de respirer un peu d'air par les journées et les nuits étouffantes de la Guyane, on établit à l'intérieur, devant chaque fenêtre, deux panneaux qui, avec la fenêtre, constituaient un prisme triangulaire. L'un des panneaux était formé d'une plaque pleine de tôle, l'autre de barreaux de fer verticaux et transversaux. Une palissade en bois à bout pointu de 2,80 m de hauteur entourait la case. Cette palissade reposait sur un mur en pierre sèche de 2 mètres à 2,50 m, sur les faces sud et ouest, de telle sorte que la vue de l'extérieur, la vue de l'île comme celle de la mer, m'était complètement masquée. Quoi qu'il en soit, cette case, plus haute et plus spacieuse, était préférable à la première. D'autre part, d'un côté, la palissade avait été éloignée de la case, enfin, il ne subsistait plus qu'une seule palissade. Mais l'humidité va me retrouver bien souvent au moment des grandes pluies. J'eus plusieurs centimètres d'eau dans ma case. Quant aux bêtes, elles étaient aussi nombreuses, sinon plus, que dans la première case. Les vexations furent plus fréquentes et plus nombreuses encore à dater de cette époque. L'attitude qu'on avait à mon égard variait avec les fluctuations de la situation en France, situation que j'ignorais complètement. Des mesures nouvelles furent prises pour m'isoler encore davantage, si possible. Plus que jamais, je dus maintenir une attitude hautaine pour empêcher qu'on eût prise sur moi. Des pièges me furent souvent tendus, des questions insidieuses me furent posées par les surveillants, par ordre. Dans mes nuits d'énervement, quand j'étais en proie au cauchemar, le surveillant de garde s'approchait de mon lit pour chercher à surprendre les paroles qui s'échappaient de mes lèvres. Dans cette période, le commandant du pénitencier de Niel, au lieu de se borner à ses devoirs stricts de fonctionnaire, fit le bas et misérable métier de mouchard. Il crut évidemment s'attirer ainsi des faveurs. L'extrait suivant de la consigne générale de la déportation à l'île du Diable fut affiché dans ma case. Article 22. Le déporté assure la propreté de sa case et de l'enceinte qui lui est réservée et prépare lui-même ses aliments. Article 23. Il lui est délivré la ration réglementaire et il est autorisé à améliorer cette ration par la réception de denrées et liquides dans une mesure raisonnable dont l'appréciation appartient à l'administration. Les différents objets destinés aux déportés ne lui seront remis qu'après avoir été minutieusement visités et au fur et à mesure de ses besoins journaliers. Article 24. Le déporté doit remettre au surveillant-chef toutes les lettres et écrits rédigés par lui. Article 26. Les demandes ou réclamations que le déporté aurait à formuler ne peuvent être reçues que par le surveillant-chef. Article 27. Au jour, les portes de la case du déporté sont ouvertes et jusqu'à la nuit, il a la faculté de circuler dans l'enceinte palissadée. Toute communication avec l'extérieur lui est interdite. Dans le cas où, contrairement aux dispositions de l'article 4, les éventualités du service nécessiteraient dans l'île la présence de surveillants ou de transportés autres que ceux du service ordinaire, le déporté serait enfermé dans sa case jusqu'au départ des corvées temporaires. Article 28. Pendant la nuit, le local affecté aux déportés est déclaré intérieurement et occupé comme le jour par un surveillant. J'ai su depuis qu'à dater de cette époque, les surveillants reçurent aussi l'ordre de relater tous les jeux de ma physionomie, et l'on peut concevoir comment ces ordres furent exécutés. Mais ce qui est plus grave, c'est que tous ces gestes, toutes ces manifestations de ma douleur, parfois de mon impatience, furent interprétées par Daniel avec une passion aussi vile que haineuse. Esprit aussi mal équilibré que vaniteux, cet agent attacha aux plus petits incidents une portée immense. Le plus léger panache de fumée rompant à l'horizon la monotonie du ciel était l'indice certain d'une attaque possible et provoquait des mesures de rigueur et de précaution nouvelles. On voit aisément combien une surveillance ainsi comprise, dont l'intensité haineuse se traduisait forcément dans l'attitude des surveillants, était de nature à aggraver le régime. Je ne connais d'ailleurs pas de supplice plus énervant, plus atroce que celui que j'ai subi pendant 5 années, d'avoir 2 yeux braqués sur moi, jour et nuit, à tous les moments, dans toutes les conditions, sans une minute de répit. Le 4 septembre 1897, j'écrivais à ma femme. Je viens de recevoir le courrier du mois de juillet. Tu me dis encore d'avoir la certitude de l'entière lumière. Cette certitude est dans mon âme. Elle s'inspire des droits qu'a tout homme de la demander, de la vouloir, quand il ne veut qu'une chose, la vérité. Tant que j'aurai la force de vivre dans une situation aussi inhumaine qu'imméritée, je t'écrirai donc pour t'animer de mon indomptable volonté. D'ailleurs, les dernières lettres que je t'ai écrites sont comme mon testament moral. Je t'y parlais d'abord de mon affection. Je t'y avouais aussi des défaillances physiques et cérébrales. Mais je t'y disais non moins énergiquement ton devoir, tout ton devoir. Cette grandeur d'âme que nous avons tous montrée, les uns comme les autres, qu'on ne se fasse nulle illusion. Cette grandeur d'âme ne doit être ni de la faiblesse, ni de la jactance. Elle doit s'allier au contraire à une volonté chaque jour grandissante. Grandissante à chaque heure du jour pour marcher au but. La découverte de la vérité, de toute la vérité pour la France entière. Certes, parfois, la blessure est par trop saignante et le cœur se soulève, se révolte. Certes, souvent épuisé comme je le suis, je m'effondre sous les coups de massue, et je ne suis plus alors qu'un pauvre être humain d'agonie et de souffrance. Mais mon âme indomptée me relève, vibrant de douleur, d'énergie, d'implacable volonté devant ce que nous avons de plus précieux au monde, notre honneur, celui de nos enfants, le nôtre à tous. Et je me redresse encore pour jeter à tous le cri d'appel vibrant de l'homme qui ne demande, qui ne veut que de la justice, pour venir toujours et encore vous embraser tous du feu ardent qui anime mon âme, qui ne s'éteindra qu'avec ma vie. Moi, je ne vis que de ma fièvre depuis si longtemps au jour le jour, fière quand j'ai gagné une longue journée de 24 heures. Quant à toi, tu n'as à savoir ni ce que l'on dit ni ce que l'on pense. Tu as à faire inflexiblement ton devoir, vouloir non moins inflexiblement ton droit, le droit de la justice et de la vérité. Oui, il faut que la lumière soit faite, je formule nettement ma pensée. Je ne puis donc que souhaiter pour tous deux, pour tous, que cet effroyable, horrible et immérité martyr ait enfin un terme. Te parler longuement de moi, de toutes les petites choses, c'est inutile. Je le fais parfois malgré moi, car le cœur a des révoltes irrésistibles. L'amertume, quoi qu'on en veuille, monte du cœur aux lèvres quand on voit ainsi tout méconnaître, tout ce qui fait la vie noble et belle. Et certes, s'il ne s'agissait que de moi, de ma propre personne, il y a longtemps que j'eusse été chercher dans la paix de la tombe l'oubli de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, l'oubli de ce que je vois chaque jour. J'ai vécu pour te soutenir, vous soutenir, tous de mon indomptable volonté, car il ne s'agissait plus là de ma vie, il s'agissait de mon honneur, de notre honneur à tous, de la vie de nos enfants. J'ai tout supporté, sans fléchir, sans baisser la tête, j'ai étouffé mon cœur, je réfrène chaque jour toutes les révoltes de l'être, réclamant toujours et encore à tous, sans lassitude comme sans jactance, la vérité. Je souhaite cependant pour nous deux, pauvres amis, pour tous, que les efforts, soit des uns, soit des autres, aboutissent bientôt, que le jour de la justice luise enfin pour nous tous, qui l'attendons depuis si longtemps. Chaque fois que je t'écris, je ne puis presque pas quitter la plume, non pour ce que j'ai à te dire, mais je vais te quitter de nouveau pour de longs jours, ne vivant que par ta pensée, celle des enfants, de vous tous. Je termine cependant en t'embrassant, ainsi que nos chers enfants, tes chers parents, tous nos chers frères et sœurs, en te serrant dans mes bras avec une énergie que rien n'ébranle, et tant que j'aurai soufflé de vie, courage, courage et volonté. Alfred. Dans le courrier du mois de juillet 1897 que je reçus le 4 septembre, se trouvait la lettre suivante de ma femme, dont je donne un extrait et qui resta pour moi énigmatique. La lettre du 1er juillet dont on y parle ne me parvint jamais. Paris, 15 juillet 1897. Tu as dû être mieux impressionné par la lettre que je t'ai écrite le 1er juillet que par les précédentes. J'étais moins angoissée, et l'avenir m'apparaissait enfin sous des couleurs moins sombres. Nous avons fait un pas immense vers la vérité. Malheureusement, je ne puis pas t'en dire davantage. Lucie. En octobre, je reçus la lettre dont j'extrais le passage suivant. Paris, 15 août 1897. Je suis toute soucieuse et bien angoissée de ne pas avoir encore de tes nouvelles. Voilà près de 7 semaines que je n'ai pas eu de lettre de toi, et les semaines comptent triple quand on les passe dans l'inquiétude. J'espère qu'il n'y a là qu'un retard et que je vais recevoir bien vite un bon courrier. Je mets toute ma joie dans la lecture des lignes si pleines de courage que tu m'adresses, en attendant mieux, en attendant que tu me sois rendu et que je puisse, dans le profond bonheur de vivre auprès de toi, me consoler de toutes mes peines. Efforce-toi de ne pas penser, de ne pas faire travailler ta pauvre cervelle. Ne t'épuise pas en conjectures inutiles, ne pense qu'au but à la fin. Laisse reposer ta pauvre tête ébranlée par tant de chocs. Lucie. Puis en novembre, Paris, 1er septembre 1897. C'est avec joie que je viens te confirmer encore la nouvelle que je t'ai donnée dans mes lettres du mois dernier. Je suis tout à fait heureuse de constater que nous entrons dans la bonne voie. Je ne puis que te répéter d'avoir confiance, de ne plus te désoler, de te bien pénétrer de la certitude que nous avons d'aboutir. Paris, 25 septembre 1897. Je n'ajouterai qu'un mot à mes longues lettres de ce mois. Je suis bien heureuse à la pensée qu'elles t'auront redonné, avec un immense espoir, les forces nécessaires pour attendre ta réhabilitation. Je ne puis t'en dire plus que dans mes dernières lettres. Lucie. Je répondais à ces lettres. Île du Salut, 4 novembre 1897. Je viens à l'instant de recevoir tes lettres. Les paroles, ma bonne chérie, sont bien impuissantes à rendre tout ce que la vue de ta chère écriture éveille d'émotions poignantes dans mon cœur. Et cependant, ce sont les sentiments de puissante affection que cette émotion réveille en moi qui me donne la force d'attendre le jour suprême, où la vérité sera enfin faite sur ce lugubre et terrible drame. Tes lettres respirent un tel sentiment de confiance qu'elles ont rasséréné mon cœur qui souffre tant pour toi, pour nos chers enfants. Tu me fais la recommandation, pauvre chérie, de ne plus chercher à penser, de ne plus chercher à comprendre. Je ne l'ai jamais fait, cela m'est impossible. Mais comment ne plus penser ? Tout ce que je puis faire, c'est de chercher à attendre, comme je te l'ai dit, le jour suprême de la vérité. Dans ces derniers mois, je t'ai écrit de longues lettres où mon cœur, trop gonflé, s'est détendu. Que veux-tu, depuis 3 ans, je me vois le jouet de tant d'événements auxquels je suis étranger, ne sortant pas de la règle de conduite absolue que je me suis imposée, que ma conscience de soldat loyal et dévoué à son pays m'a imposée d'une façon inéluctable, que, quoi qu'on en veuille, L'amertume monte du cœur aux lèvres, la colère vous prend parfois à la gorge, et les cris de douleur s'échappent. Je m'étais bien juré jadis de ne jamais parler de moi, de fermer les yeux sur tout, ne pouvant avoir comme toi, comme tous, qu'une consolation suprême, celle de la vérité, de la pleine lumière. Mais la trop longue souffrance, une situation épouvantable, le climat qui à lui seul embrase le cerveau, si tout cela ne m'a jamais fait oublier aucun de mes devoirs, tout cela a fini par me mettre dans un état d'éritisme cérébral et nerveux qui est terrible. Je bavarde avec toi, quoique je n'ai rien à te dire. Mais cela me fait du bien, repose mon cœur, détend mes nerfs. Vois-tu, souvent le cœur se crispe de douleurs poignantes quand je pense à toi, nos enfants. Et je me demande alors ce que j'ai bien pu commettre sur cette terre pour que ceux que j'aime le plus, ceux pour qui je donnerais mon sang goutte à goutte, soient éprouvés par un pareil martyr. Mais même quand la coupe, trop pleine, déborde, c'est dans ta chère pensée, dans celle des enfants, pensées qui font vibrer et frémir tout mon être, qui l'exalte à sa plus haute puissance, que je puise encore la force de me relever, pour jeter le cri d'appel vibrant de l'homme qui, pour lui, pour les siens, ne demande depuis si longtemps que de la justice, de la vérité, rien que la vérité. Je t'ai d'ailleurs formulé nettement ma volonté, que je sais être la tienne, la vôtre et que rien n'a jamais pu abattre. C'est ce sentiment, associé à celui de tous mes devoirs qui m'a fait vivre, c'est lui aussi qui m'a fait encore demander pour toi, pour tous, tous les concours, un effort plus puissant que jamais, de tous, dans une simple œuvre de justice et de réparation, en s'élevant au-dessus de toutes les questions de personnes, au-dessus de toutes les passions. Puis-je encore te parler de mon affection? C'est inutile, n'est-ce pas, car tu la connais. Mais ce que je veux te dire encore, c'est que l'autre jour, je relisais toutes tes lettres, pour passer quelques-unes de ces minutes trop longues auprès d'un cœur aimant. Et un immense sentiment d'admiration s'élevait en moi pour ta dignité, ton courage. Si l'épreuve des grands malheurs est la pierre de touche des belles âmes, oh ma chérie, la tienne est une des plus belles et des plus nobles qu'il soit possible de rêver. Alfred. Le mois de novembre s'écoula, puis le mois de décembre 1897 sans m'apporter de lettres. Enfin, le 9 janvier 1898, après une longue et anxieuse attente, je reçus tout à la fois les lettres de ma femme des mois d'octobre et de novembre, dont j'extrais les passages suivants. Paris, 6 octobre 1897. Je n'ai pas réussi à t'exprimer dans ma dernière lettre, et surtout, je crois, à te communiquer d'une façon absolue la confiance si grande que j'avais, et qui n'a fait que s'accentuer depuis dans le retour de notre bonheur. Je voudrais te dire la joie que je ressens en voyant l'horizon s'éclaircir ainsi, en apercevant le terme de nos souffrances, et je me sens bien inhabile à te faire partager mes sentiments, car pour toi, pauvre exilé, c'est toujours l'attente angoissante, l'ignorance de tout ce que nous faisons et les phrases vagues, les assemblages de mots ne t'apportent rien, si ce n'est l'assurance de notre profonde affection et la promesse souvent renouvelée que nous arriverons à te réhabiliter. Si tu pouvais comme moi te rendre compte des progrès accomplis, du chemin que nous avons fait à travers les ténèbres pour gagner enfin la pleine lumière, comme tu te sentirais allégé, soulagé. Cela me crève le cœur de ne pouvoir te raconter tout ce qui me passionne, tout ce qui fait que j'ai tant d'espoir. Je souffre à l'idée que tu subis un martyr qui, s'il doit se prolonger physiquement jusqu'à ce que l'erreur soit officiellement reconnue, est au moins inutile moralement, et que, tandis que je me sens plus rassurée, plus tranquille, tu passes par des alternatives d'angoisse et d'inquiétude qui pourraient être épargnées. Paris, 17 novembre 1897. Je suis inquiète de n'avoir pas de lettre de toi. Ta dernière lettre datée du 4 septembre est arrivée dans les premiers jours d'octobre. Je suis absolument sans nouvelles. Je n'ai jamais exhalé de plainte et ce n'est certes pas maintenant que je commencerai. Et cependant, Dieu sait ce que j'ai souffert, restant pendant des semaines et des semaines dans cette angoisse affolante que me causait l'absence totale de lettres. De jour en jour, je pense que mes tourments vont cesser, que je vais être rassurée autant que je le puis, étant donné tes horribles souffrances. Mais espère de toutes tes forces. Comment pourrais-je te dire ma confiance en restant dans les limites qui me sont permises? C'est difficile et je ne puis que te donner l'assurance formelle que dans un temps très très rapproché, tu seras réhabilité. Ah, si je pouvais te parler à cœur ouvert, te dire toutes les péripéties de ce drame épouvantable. Quand cette lettre arrivera à la Guyane, j'espère que tu auras reçu la bonne nouvelle que ta conscience attend depuis 3 années. Lucie. Quand ces lettres me parvinrent en janvier 1898 à l'île du Diable, après une longue et anxieuse attente, non seulement je n'avais pas reçu la bonne nouvelle qu'elle me faisait prévoir, mais les vexations avaient redoublé d'intensité. La surveillance était devenue encore plus rigoureuse. De 10 surveillants et 1 surveillant-chef, le nombre avait été porté à 13 surveillants et 1 surveillant-chef. Des sentinelles avaient été placées autour de ma case. Un souffle de terreur régnait autour de moi, terreur dont je m'apercevais par l'attitude des surveillants. Vers cette époque également, on élevait une tour dépassant en hauteur la caserne des surveillants et sur la plateforme de laquelle fut placé le canon Hotchkiss destiné à défendre les approches de l'île. Vers cette époque également, on élevait une tour dépassant en hauteur la caserne des surveillants, et sur la plateforme de laquelle fut placé le canon Hotchkiss destiné à défendre les approches de l'île. Aussi renouvelai-je auprès du président de la République, auprès des membres du gouvernement, les appels que j'avais faits précédemment. Dans les premiers jours du mois de février 1898, je reçus deux lettres de ma femme datées du 4 décembre 1897 et du 26 décembre 1897. Ces deux lettres étaient des copies partielles des lettres que ma femme m'avait écrites. J'ai su depuis que ma femme m'avait fait connaître en termes discrets dans les lettres qu'elle m'écrivit en août ou septembre 1897 qu'une haute personnalité du Sénat avait pris ma cause en main. Le passage, bien entendu, fut supprimé et je n'appris l'admirable initiative de M. Scherer Kestner qu'à mon retour en France en 1899, comme je n'appris qu'à cette époque les événements qui se déroulaient alors en France. Un extrait qu'on m'avait transmis de la lettre du 4 décembre 1897 de ma femme était particulièrement triste. « J'ai reçu deux lettres de toi. Quoique tu ne me dises rien de tes souffrances et que ces lettres, comme les précédentes, soient empreintes d'une belle dignité et d'un courage admirable, j'ai senti percer ta douleur avec une telle acuité que j'éprouve le besoin de t'apporter du réconfort, de te faire entendre quelques paroles d'affection venant d'un cœur aimant et dont la tendresse et l'attachement sont, comme tu le sais, aussi profonds qu'inaltérables. Mais que de jours se sont passés depuis que tu m'as écrit ces lettres, et que de temps s'écoulera encore jusqu'à ce que ces quelques lignes viennent te rappeler que ma pensée est avec toi jour et nuit, et qu'à toutes les heures, à toutes les minutes de ta longue torture, mon âme, mon cœur, tout ce qu'il y a de plus sensible en moi vibre avec toi, que je suis l'écho de tes cruelles souffrances et que je donnerai ma vie pour abréger tes tortures. Si tu savais quel chagrin j'éprouve de ne pas être là-bas auprès de toi, et avec quelle joie j'aurais accepté la vie la plus dure, la plus atroce, pour partager ton exil et être à tes côtés à toute heure, à tout moment, pour te soutenir dans les moments de défaillance, t'entourer de toute mon affection et penser, si peu que ce soit, tes blessures. Mais il était dit que nous n'aurions même pas la consolation de souffrir ensemble, et que nous boirions l'amertume jusqu'à la dernière goutte. Puis suivaient quelques phrases vagues d'espoir, si souvent renouvelées. En réponse à ce courrier, j'écrivis à ma femme, île du salut, 7 février 1898. Je viens de recevoir tes chères lettres de décembre, et mon cœur se brise, se déchire devant tant de souffrances imméritées. Je te l'ai dit, ta pensée, celle des enfants, me relève toujours, vibrant de douleur, de suprême volonté, devant ce que nous avons de plus précieux au monde, notre honneur, la vie de nos enfants, pour jeter le cri d'appel de plus en plus vibrant de l'homme qui ne demande que la justice pour lui et les siens, et qui y a droit. Depuis 3 mois, dans la fièvre et le délire, souffrant le martyr, nuit et jour pour toi, pour nos enfants, j'adresse appel sur appel au chef de l'État, au gouvernement, à ceux qui m'ont fait condamner, pour obtenir de la justice enfin, un terme à notre effroyable martyr, sans obtenir de solution. Je réitère aujourd'hui mes demandes précédentes au chef de l'État, au gouvernement, avec plus d'énergie encore s'il se peut, car tu n'as pas à subir un pareil martyr, nos enfants n'ont pas à grandir déshonorés, je n'ai pas à agoniser dans un cachot pour un crime abominable que je n'ai pas commis. Et j'attends chaque jour d'apprendre que le jour de la justice a enfin lui pour nous. Alfred. Dans le courant du mois de février, les mesures de rigueur ne faisant que s'accentuer encore, et ne recevant aucune réponse à mes précédents appels au chef de l'État et aux membres du gouvernement, j'adressai la lettre suivante au président de la Chambre des députés et aux députés. Île du Salut, 28 février 1898. Monsieur le président de la Chambre des députés, messieurs les députés, dès le lendemain de ma condamnation, c'est-à-dire il y a déjà plus de 3 ans, quand monsieur le commandant du paty de Clam est venu me trouver au nom de monsieur le ministre de la guerre pour me demander, après qu'on m'ait fait condamner pour un crime abominable que je n'avais pas commis, si j'étais innocent ou coupable, j'ai déclaré que non seulement j'étais innocent, mais que je demandais la lumière, la pleine et éclatante lumière, et j'ai aussitôt sollicité l'aide de tous les moyens d'investigation habituels, soit par les attachés militaires, soit par tout autre dont dispose un gouvernement. Il me fut répondu alors que des intérêts supérieurs aux miens, à cause de l'origine de cette lugubre et tragique histoire, à cause de l'origine de la lettre incriminée, empêchaient les moyens d'investigation habituels, mais que les recherches seraient poursuivies. J'ai attendu pendant 3 ans, dans la situation la plus effroyable qu'il soit possible d'imaginer, frappé sans cesse et sans cause, et ces recherches n'aboutissent pas. Si donc des intérêts supérieurs aux miens devaient empêcher, doivent toujours empêcher l'emploi des moyens d'investigation qui seuls peuvent mettre enfin un terme à cet horrible martyr de tant d'êtres humains, qui seuls peuvent faire enfin la pleine et éclatante lumière sur cette lugubre et tragique affaire, ces mêmes intérêts ne sauraient exiger qu'une femme, des enfants, un innocent leur soit immolé. Agir autrement serait nous reporter aux siècles les plus sombres de notre histoire, où l'on étouffait la vérité, où l'on étouffait la lumière. J'ai soumis il y a quelques mois déjà toute l'horreur tragique et imméritée de cette situation à la haute équité des membres du gouvernement. Je viens également la soumettre à la haute équité de messieurs les députés pour leur demander de la justice, pour les miens, la vie de mes enfants, un terme à cet effroyable martyr en tant d'être humain. La même lettre, conçue dans des termes identiques, fut adressée à la même date au président et aux membres du Sénat. Ces appels furent renouvelés peu de temps après. M. Méline, qui présidait alors le gouvernement, étouffa mes cris et garda ces lettres, qui ne parvinrent jamais à leur destinataire. Et ces lettres arrivaient au moment où l'auteur du crime était glorifié, pendant qu'ignorant de tous les événements qui se passaient en France, j'étais cloué sur mon rocher, criant mon innocence au pouvoir public, multipliant les appels à ceux qui étaient chargés de faire la lumière, d'assurer la justice. En mars, je reçus les lettres de ma femme du commencement de janvier, conçues toujours en termes vagues et exprimant le même espoir, sans qu'elle pût préciser sur quelles espérances se fondait cet espoir. Puis, en avril, nouveau et profond silence. Les lettres que m'écrivit ma femme dans les derniers jours de janvier et dans le courant du mois de février 1898 ne me parvinrent jamais. Quant aux lettres que j'écrivis à partir de cette époque à ma femme, elle n'en reçut aucune originale, et nous n'en possédons que des extraits copiés et tronqués. D'ailleurs, durant toute cette période, les lettres que m'adressait ma femme ne me parvinrent également qu'en copie.